Son père m'aimait. Il m'invitait souvent. Il me demandait l'histoire de ma vie, année après année, les batailles, les sièges, les hasards que j'avais traversés. Je parcourus tout, depuis les jours de mon enfance jusqu'au moment même où il m'avait prié de raconter. Alors, je parlais de chances désastreuses, d'aventures émouvantes sur terre et sur mer, de morts esquivées d'un cheveu sur la brèche menaçante, de ma capture par l'insolent ennemi, de ma vente comme esclave, de mon rachat et de ce qui suivit. Dans l'histoire de mes voyages, des antres profonds, des déserts arides, d'âpres fondrières, des rocs et des montagnes dont la cime touche le ciel s'offraient à mon récit. Je les y plaçais. Je parlais des cannibales qui s'entre-dévorent, des anthropophages et des hommes qui ont la tête au-dessous des épaules. Pour écouter ces choses, Desdemona montrait une curiosité sérieuse. Quand les affaires de la maison l'appelaient ailleurs, elle les dépêchait toujours au plus vite et revenait, et de son oreille affamée, elle dévorait mes paroles. Ayant remarqué cela, je saisis d'une heure favorable et je trouvai moyen d'arracher du fond de son cœur le souhait que je lui fisse la narration entière de mes explorations, qu'elle ne connaissait que par des fragments sans suite. J'y consentis, et souvent je lui dérobais des larmes quand je parlais de quelque catastrophe qui avait frappé ma jeunesse. Mon histoire terminée, elle me donna pour ma peine un monde de soupirs. Elle jura qu'en vérité, cela était étrange, plus qu'étrange, attendrissant, prodigieusement attendrissant. Elle eût voulu ne pas l'avoir entendu, mais elle eût voulu aussi que le ciel eût fait pour elle un pareil homme. Elle me remercia et me dit que si j'avais un ami qui l'aimait, je lui appris seulement à répéter mon histoire et que cela suffirait à la charmer. Sur cette insinuation, je parlais. Elle m'aimait pour les dangers que j'avais traversés et je l'aimais pour la sympathie qu'elle y avait prise. Telle est la sorcellerie dont j'ai usé. Mais voici madame, qui vient qu'elle-même en dépose.